16-31, observation, voir, croire, essayer, présent de l'indicatif. Voir. Je vois, tu vois, il voit, il voit. Nous voyons, vous voyez. Croire. Je crois, tu crois, il croit, il croit. Nous croyons, vous croyez. Essayer. J'essaie, tu essaies, il essaie, ils essaient. Nous essayons, vous essayez. Remarquez que les infinitifs de voir et de croire ont des terminaisons différentes, mais les deux verbes ont des conjugaisons identiques au présent de l'indicatif. Notez que, au point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel sont identiques. Notez qu'il y a une semi-voyelle « y » additionnelle à la première et à la deuxième personne du pluriel.